Le 23 a eu lieu un meeting militaro-civil consacré au 6e anniversaire de la victoire dans la bataille au tir canon à l'île de Yeonpyeong, à l'arrondissement de Gangnyeong de la province du Gwanghae du Sud. Y ont participé le chef du 4e corps d'armée de l'armée populaire de Corée, le président du comité du parti pour la province du Gwanghae du Sud, des militaires, notamment les soldats qui avaient participé à la bataille, des cadres et des travailleurs de divers milieux de l'arrondissement de Gangnyeong. Avant de commencer le meeting, les travailleurs de l'arrondissement de Gangnyeong ont offert des colliers et bouquets de fleurs aux militaires qui avaient accompli des mérites dans la bataille. Des orateurs ont indiqué que cette bataille est une grande victoire de l'idéologie et de l'esprit de l'armée puissante révolutionnaire Baek-Tsan, déterminée à défendre au péril de la vie son leader et son commandant suprême, et aussi une victoire de la confiance et de la volonté de la puissance d'élite capable de combattre un contre-sang qui ne tolère jamais ceux qui portent atteinte à notre souveraineté et à notre dignité. Au terme du meeting, ils ont vu une représentation de la troupe de propagande artistique des militaires et de la troupe d'animation artistique de l'arrondissement de Gangnyeong.